Donc aujourd'hui, ils s'attaquent à quoi? Ils s'attaquent effectivement à l'armée malienne, parce qu'elle est de mieux en mieux formée, parce qu'elle est sur le terrain, parce qu'elle réalise ce que la France n'a jamais pu réaliser. Et elle est d'autant plus en panique qu'effectivement, depuis quelques temps maintenant, la coopération avec la Russie est une coopération gagnant-gagnant. Parce qu'il se trouve qu'aujourd'hui, la Russie est bien présente, et nous respectons la Russie, parce qu'elle a un passé qui n'est pas colonial, elle n'a pas un passé d'esclavagiste, elle a un passé qui a respecté la souveraineté des peuples. Donc nous sommes fiers de ces contrats-là, de ces accords militaires, même si on sait que dans une projection lointaine, il faudrait que l'Afrique travaille évidemment pour son indépendance militaire et technologique. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est que nous sommes dans une coopération qui n'a plus rien à voir avec les accords de dominant qui étaient jusqu'alors, qui régissaient les rapports entre la France et les pays d'Afrique. Afrique Média, le monde, c'est nous.